mots qui me viennent, il y a des choses qui me gênent, mais à quoi bon se les dire? Le temps qui passe, passe comme ça. Le temps qui passe, passe par là. Le temps qui passe, passe comme ça. Le temps qui passe, passe par là. Il fut un temps, j'étais comme vous. Il fut un temps, je pouvais tout. Oui, il fut un temps. Assis là, la nuit tombe et j'ai froid. Je regarde le ciel, j'y vois des étoiles qui brillent. Puis je m'endors dans ce bruit, en ignorant toute ma peur, sans même penser à demain. Je ne sais même plus qui je suis, ni même ce que je fais, car pour moi tout est fini. Il y a des rêves qui me viennent et des cauchemars qui traînent, à quoi bon vous les dire? Il y a des rêves qui me viennent et des cauchemars qui traînent, à quoi bon les dire? Le temps qui passe, passe comme ça. Le temps qui passe, passe par là. Le temps qui passe, passe comme ça. Le temps qui passe, passe par là. See that.